Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local en parlant que c'était l'ouverture hier du tournoi de golf junior à Ville-Saguenay au club de golf de Chicoutimi. Et la jeune sensation, Célestre Dao, a frappé un grand coup hier en ramenant une carte de 66 qui lui donne la première position. Et selon certains, Dao aurait réussi un record féminin au club de golf de Chicoutimi. La jeune sensation va prendre le départ à 14h27 pour sa deuxième ronde. Du côté local, les deux surprises viennent de Marc-Antoine Sansfaçon, qui est le mieux classé du côté des athlètes régionaux. Sansfaçon a joué 73, ce qui lui donne à un coup du malheur, tant qu'Anthony Jonque a terminé la journée avec 74, ce qui lui donne la 12e place. Dans la section entrevue de danradiosport.com, hier, on a parlé avec Brian Littlejohn, qui est le grand responsable du tournoi de golf à Ville-Saguenay. Et il mentionne que c'est les meilleurs juniors qui sont au club de golf de Chicoutimi. C'est quand même 180 garçons et filles qualifiés. Donc, les qualifications se sont passées dans les dernières semaines. Donc, c'est vraiment les meilleurs du Québec. Puis il y a de grands noms qui seront là certainement. Puis que oui, on pourra en retrouver sur le Canadian Tour, mais aussi sûrement sur la PGA et la LPGA également. Brian Littlejohn nous parle évidemment des golfeurs qu'il faudra surveiller au cours de cette semaine. OK. Au niveau, on va quand même surveiller, c'est très important, nos golfeurs de la région. Ouais. Un tournoi à la maison, ils connaissent leur terrain, ils jouent déjà ouais. De très bons scores. Là, donc, on s'attend quand même, garçons et filles, là, d'une très belle performance. Au niveau provincial, mention honorable à Céleste Dao, qui a gagné le championnat provincial junior l'an passé. Puis, cette année, elle a réussi à se qualifier pour l'Omnium des États-Unis féminin. Là. Donc, oh. Cette année, en 2018, elle a joué l'Omnium, le US Open féminin. Là. Donc, elle a fait déjà de grands tournois. Puis, elle sera à Chicoutimi, normalement, de dimanche. Brian Littlejohn mentionne qu'on est content du côté des golfeurs qui vont représenter la région. Cette année, on est vraiment content de notre délégation. On a 7 garçons qui ont réussi à se qualifier pour le championnat, puis 3 filles. Là, donc, je crois que c'est une première aussi. Donc, une délégation de 10 golfeurs. Là, très, très heureux de notre délégation. Okay. Athlétiste, Alex Bussière est en compétition au championnat canadien à Ottawa au cours du week-end. Et ça a plus ou moins bien été pour Alex Bussière. Il a terminé à 1,53 en qualification ou 800 mètres. Il a terminé 7e dans sa vague, ce qui lui a donné le laissé-passer pour la demi-finale et ça a moins bien été. Il n'a pas réussi à se classer pour la finale. Dans le cas de Bussière, il a couru le 800 mètres en 1 minute 55 secondes. On va maintenant parler d'athlétisme, puisqu'il est question d'athlétisme. Hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec Pierre-Luc Ménard pour parler évidemment de la délégation qui va représenter le Club du Mille et la région au Jeux du Québec. Et c'est une délégation jeune, explique le responsable du Club du Mille. On est très content. On sait que notre club, là, c'est un jeune noyau qui grandit. Puis, ben, on a quand même 6 athlètes de catégorie cadette en plus. Donc, c'est même pas des juveniles. Là. Ils ont 14-15 ans. Puis ont. Puisqu'il est question des Jeux du Québec, le couple Cassandra Bradette et Samuel Girard vont parrainer la région. Ils attendent la région lors des Jeux du Québec qui seront présentés à Telford Mines du 28 juillet au 4 août. Cassandra Bradette et Samuel Girard ont mentionné dans un communiqué de presse qu'ils se disent honorés d'être les parrains des athlètes de la région. Et je termine avec du soccer. Il y avait un match qui nous intéressait hier dans les différentes ligues et c'est dans le U16 féminin. Victoire du Boreal d'Alma 3-2 sur le FC de Saint-Félicien. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec le responsable du tournoi de golf junior à Ville-Saguenay, Brian Littlejohn. Également, on s'est entretenu aussi avec Benoît Lavoie qui est en Russie où il assiste à la Coupe du monde de soccer. Et aussi, Pierre-Luc Ménard vient nous parler du Club du Mille, secteur de Dolbeau. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.